nos larmes, nos sourires sont le décor de nos vies. Ainsi va la vie. Je veux sentir ton corps contre mon corps. Je veux sentir ta vie contre ma vie. Plus de discours pour un présent trop court. La vie est un présent sans prix. Tous nos soupirs, nos larmes, nos désirs sont le décor de nos vies. Si va la vie, je veux sentir ta peau contre ma peau. Je veux sentir ta vie contre ma vie. Contre mon corps.